J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. Notre époque, depuis le 6 août 45, est celle du village global. Le village global, belle utopie, n'est-ce pas? Celle des premiers hippies qui croyaient que grâce à Internet, chaque humain serait proche des autres, que les connaissances seraient partagées, la démocratie serait directe, et que le pouvoir hiérarchisé laisserait place à l'horizontalité dans la paix, l'harmonie et l'eau fraîche. C'est pas exactement à ça que pense Gunther Anders quand il décrit le village global. Quand il écrit dans « Immoralité de l'âge atomique » en 1959 que désormais rien n'est lointain, ni dans l'espace, ni dans le temps. Bienvenue dans l'émission « J'irai pas », une émission antimilitariste sur Radio Dio 89.5 FM tous les premiers mercredis du mois à 17h. Sauf aujourd'hui, parce que j'étais pas disponible la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on est le deuxième mercredi. On est le 9 août 2023, il est 17h18, le 9 août 1945, explosé sur Nagasaki, la deuxième bombe atomique larguée sur le Japon, après celle du 6 août, larguée sur Hiroshima. Résultat scientifique, comme le titreront les journaux. Des milliards de dollars dépensés et accessoirement plus de 200 000 morts. On va aujourd'hui revenir sur les bombardements de 1945 en particulier, mais aussi sur la bombe atomique en général, et plus largement encore sur le nucléaire civil comme militaire. Pour cela, je vais d'abord invoquer quelques travaux de Gunther Anders dans un premier temps, et dans une deuxième partie, je vais tirer quelques faits d'un livre de Jean-Marc Royer, et on finira dans une troisième partie par quelques actualités nationales réjouissantes. Commençons d'abord par le recueil de ce livre, La menace nucléaire, considération radicale sur l'âge atomique. Un recueil d'articles du philosophe allemand Gunther Anders contre la technologie nucléaire. Ce sont des articles écrits entre 1958 et 1986 qui reprennent à peu près à chaque fois les mêmes arguments. Je vais en synthétiser trois ici. Bien sûr, j'oublie et je déforme sûrement beaucoup de choses. Je ne suis pas un expert de Anders, ni un expert du nucléaire. Comme dirait un pote gilet jaune, je suis expert de ma vie, ce qui lui permettait de s'inviter en tribune au même titre que d'autres soi-disant experts qui, eux, étaient vraiment invités. Et ouais, Une fois qu'on se sent légitime, ça donne de la force. Ça crée des situations cocasses, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, big up aux gilets jaunes et revenons à Gunther et au village global. Notre époque, depuis le 6 août 45, est celle de l'âge atomique. Nous vivons désormais un village global où rien n'est éloigné, ni dans l'espace, ni dans le temps. En effet, nous savons désormais que n'importe quel coin du globe peut être atteint par une bombe qui anéantirait tout sur des kilomètres à la ronde. Voilà pour l'espace, et avec les nuages radioactifs, sur des dizaines d'années. Voilà pour le temps. Si nous ajoutons à cela les ripostes, les contre-ripostes, et donc les nuages des ripostes, et les contre-nuages des contre-ripostes, il ne nous reste plus beaucoup d'air respirable au fond de la couche gazeuse qu'on appelait autrefois atmosphère. Si on rajoute encore toutes les centrales nucléaires dites civiles, qui sont des Three Mile Island, des Tchernobyl ou des Fukushima en puissance, ça en dit long sur le peu d'avenir que contient le temps où nous sommes. Ainsi, avec le slogan d'Anders « Hiroshima est partout », qui a muté en 86 en « Tchernobyl est partout », nous comprenons théoriquement que la planète et toute vie dessus, les êtres vivants et leurs descendants, sont en sursis. L'espace et le temps. Mais bizarrement, une fois que j'ai dit ça, ça m'empêche pas de continuer de manger mes pâtes au pesto. Je suis capable de comprendre théoriquement, ou plutôt de formuler avec des mots, l'anéantissement de toute vie sur Terre. Mais est-ce que je peux l'imaginer ? Comment je me représente le mot « néant » qui est dans « anéantissement de toute vie sur Terre » ? Plus prosaïquement déjà, que représentent pour moi les milliards de dollars dévolus à la recherche et la fabrication de la bombe atomique ? Puis-je imaginer assassiner une personne ? Imaginer assassiner 10 personnes ? Et 200 000 alors ? Dans plusieurs de ses ouvrages, Gunther Anders va exhiber ce décalage entre les capacités de production humaine et la faculté d'en imaginer les conséquences. Il dira parfois que l'humain est devenu plus petit que lui-même, ou encore que les humains ne savent pas ce qu'ils font. C'est quand même rigolo de dire que les plus grands scientifiques, militaires ou chefs d'État ne savent pas ce qu'ils font. C'est outrancier même. Alors bien sûr, les scientifiques savaient qu'ils luttaient contre le nazisme, puis contre les Russes, ou qu'ils manipulaient des neutrons et des atomes. Mais savaient-ils ? Savaient-ils dans leur chair les corps volatilisés ? Ils savaient, je cite, que lors d'une explosion nucléaire, après un 10 000 000ème de seconde, la chaleur est supérieure à celle du Soleil, et qu'au cours des 3 millisecondes qui suivent, une boule de feu se forme et se dilate. Mais savaient-ils, dans leur chair, des milliers de corps qui s'enflamment spontanément ? Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'à l'illimitation de la puissance technique se pose la limitation de l'imagination. Alors, est-ce qu'on doit étendre notre capacité d'imaginer des horreurs ? Ou bien est-ce qu'on doit limiter la puissance technique ? C'est un peu une question rhétorique parce que premièrement, les horreurs existent, et deuxièmement, la puissance technique aussi. Et pour Anders, désapprendre ce que la science et l'armée ont produit paraît impossible, et donc le danger de l'apocalypse n'est jamais conjuré. Il dira par exemple « Des opposants et des opposantes à la guerre, il y en a eu avant nous, mais nous sommes une nouvelle génération d'opposants. Nous sommes, puisque la guerre est aujourd'hui synonyme de fin du monde, nous sommes des opposants à la fin du monde. » C'était en 1958, en pleine guerre froide ou tiède, selon les époques et les considérations. Il dira aussi « Nous avons délégué toutes ces opérations à d'autres instances, à des figures objectives, des instruments, des institutions, des disciplines scientifiques, dans lesquelles elles mènent à présent une existence propre que nous sommes incapables de révoquer. Aussi passionnément puissions-nous décider de ne plus posséder tel ou tel savoir-faire ou ne plus posséder telle ou telle technique, notre désir reste sans réponse parce que nous ne décidons plus de ce que nous avons délégué à d'autres instances. Une règle paradoxale, ce que nous ne possédons plus, puisque nous l'avons donné, c'est-à-dire transformé en théorie ou en chose, nous le possédons en fait définitivement, puisque cela nous possède définitivement. Alors pour donner un petit contrepoint par rapport au point de vue antimilitariste, donc de résistance à la hiérarchie militaire, mais aussi de résistance à toute autorité, c'est ce qui distingue pour moi l'antimilitarisme du pacifisme. Eh bien, dans une perspective anti-autoritaire, on peut imaginer que la hiérarchie nécessaire à un dispositif comme le projet Manhattan, on en reparlera, ou comme il dit, qu'on a délégué toutes ces opérations à d'autres instances, on pourrait imaginer qu'on arrête de les déléguer, on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus cette hiérarchie. Mais bon, revenons à ces humains qui ne savent pas ce qu'ils font. Chaque matin, nous reprenons conscience dans un monde un peu plus étroit et confiné qu'il n'était la veille. Les horizons s'en sont rapprochés et nous éprouvons que leur confusion se referme sur nous. La voûte du ciel s'en est un peu plus solidifiée d'oxyde de carbone, de couloirs aériens, d'ondes hertziennes. Chaque matin, la sonnerie du réveil nous ramène dans l'air irrespirable de ces pensées jamais renouvelées et, ouvrant la fenêtre, nous retrouvons le monde, encore appesanti de magasins géants avec leurs parkings, de sorties d'autoroute, de banques de données, d'ordures ménagères imputrescibles, un peu plus encombrées de télécopieurs, de caméras de surveillance, de guichets automatiques qui nous tutoient, de chaînes de télévision spécialisées, de fongicides mutagènes, de métaux lourds, d'herpès, de cancer du sein, d'hémorragie intestinale. Chaque matin, nous ressuscitons un monde taché de mazout, perd ses arbres et se dessèche, où la nature sénile et délabrée égare ses typhons dans les zones tempérées, où les charters du tourisme de masse mettent en loc l'ozone stratosphérique, où des instituts stratégiques de prévision préparent la mise en exploitation de la Sibérie et du Canada grâce au réchauffement de la Terre, où des chalutiers informatisés se disputent parmi les plastiques et toutes les merdes flottantes de l'avenir moderne réalisées, les derniers tons rouges dénoncés par des satellites d'observation. Chaque matin, nous nous réveillons dans un monde que la plupart n'ont jamais connu autrement. Mais revenons à ces humains, disais-je, qui ne savent pas ce qu'ils font. Que fait-on lorsqu'on ne peut ni ne veut se représenter des millions de victimes probables ? On fait comme avec les mégatonnes. La mégatonne, vous savez ce que c'est ? C'est un terme scientifique qui désigne la puissance délivrée par 1 million de tonnes de TNT. Et bien on fait comme les mégatonnes, on invente le mégacorps, qui désigne 1 million de cadavres. Dans l'hypothèse d'une bombe larguée sur Londres, il n'y aurait plus que 5 ou 6 grands cadavres, 5 ou 6 mégacorps. À d'autres, nous dira Anders. Ce qu'on nous sert ici, ce n'est pas une preuve de l'incapacité de l'humain à imaginer, mais une destruction délibérée de l'imagination. Une destruction aussi bien de notre propre imagination que de celle des autres. Ceux qui ont eu l'idée de recourir à ce vocable craignent probablement qu'une juste représentation de l'illimité qu'ils préparent dans leur témérité ne paralyse leur force d'action. C'est pour empêcher cela qu'ils transforment l'illimité en quelque chose dont ils sont capables de saisir la mesure et le ramènent dans la limite de la table de multiplication élémentaire dont ils sont familiers. Cette restriction de l'imagination opère aussi chez le plus grand nombre. On parlait des scientifiques, des chefs d'État et des militaires. Mais Anders note que la spécialisation et la division du travail sont des œillères qui coupent chaque individu de la totalité à l'intérieur de laquelle et en vue de laquelle le travail a sa fonction. Et oui, si notre travail consiste à fabriquer un appareil qui mesure des vibrations, par exemple, on l'effectue. Charge à d'autres d'utiliser l'appareil. On ne sait pas s'il sera intégré dans une machine qui étudiera les vibrations d'un lave-linge ou dans une machine installée sur un tank pour détecter d'où sont tirés des obus. On ne sait pas. Ah si, on me dit dans l'oreillette que l'entreprise Metravib, basée dans le Rhône, plus précisément à Limonest, on aura l'occasion de reparler de Limonest, elle fait les deux. Elle étudie les vibrations des lave-linges et grâce à ses outils de détection de vibrations, ses systèmes de radar, elle permet de déployer des dispositifs sur des tanks pour savoir d'où des missiles sont tirés, par exemple. Voilà, Metravib Défense, qui fait partie du cluster Eden dont on a parlé, qui est basé à Limonest, pas loin d'ici, dans le Rhône, pas loin de Lyon. Mais revenons à la séparation, cette séparation généralisée du travailleur ou de la travailleuse et de son produit, qui amène à perdre tout point de vue unitaire sur l'activité accomplie, sur la finalité du travail. Le travail, avec la réussite du système économique de la séparation, dans l'époque industrielle, devient donc, de façon tragique, moralement neutre. Désolé, je ne fais que mon travail. Désolé. Je fais juste mon boulot. Alors on pourrait distinguer le travail de l'œuvre au sens de Arendt. On pourrait lire Debord pour critiquer la prolétarisation du monde, la production séparée en tant que production du séparé. Vous avez peut-être reconnu la thèse 26 tout à l'heure quand je parlais de la prolétarisation du monde et dans le fait et de la division du travail. Ça serait intéressant d'ailleurs à l'heure de France Travail et pour préparer la rentrée sociale. Mais bon, on parlait de l'âge atomique, on parlait du village global. Alors je reprends avec une dernière idée toujours prise chez Anders. Une fois que nous avons compris que ne faire que son travail à l'intérieur de la machine productive permettait de ne pas nous sentir responsables d'accomplir... Une fois qu'on a compris que le travail à l'intérieur de la machine productive permettait de ne pas nous sentir responsables de la production de la mort, on en vient à l'idée qu'il n'y a jamais eu aussi peu besoin d'être méchant pour accomplir d'aussi grandes horreurs. Pas de méchanceté, pas de responsable, pas de coupable. Noyé sous un déluge d'innocence, notre monde ne sombrera pas victime de la colère ou de l'acharnement. En appuyant sur un bouton, on l'éteindra comme on éteint une lampe. El que te aún recuerda, aquel maldito día tiene. C'était le groupe punk Acid Z, En Solos Unos Minutos, Hiroshima et Nagasaki. On était sur Radio Dio 89.5 dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste, et on était en train de faire la recension d'un bouquin qui s'appelle La menace nucléaire, considération radicale sur l'âge atomique, une recension de texte de Gunther Anders. Et du coup, on en avait juste tiré trois idées. Celle du fait que nous vivions dans un village global où nous étions tous et toutes proches les unes des autres, à la fois dans l'espace et dans le temps, car potentiellement volatilisables, dispersables par des bombes atomiques. Celle du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Et enfin, celle de l'innocence et de l'irresponsabilité. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres idées à prendre dans ce bouquin. Je voulais juste un passage sur le camouflage. Ce type de camouflage est inédit, alors qu'avant, les camouflages avaient pour finalité d'empêcher la future victime de l'acte, c'est-à-dire l'ennemi, de reconnaître le danger qui le menaçait. Le camouflage n'a plus aujourd'hui pour finalité que d'empêcher l'auteur de l'acte de reconnaître ce qu'il fait. Ça va un peu dans le même sens de ne pas savoir ce que l'on fait. Finalement, en appuyant sur un bouton, d'éteindre le monde. Eh bien, je conclue la petite recension de ce bouquin en lisant une adresse de Gunther Anders, toujours. C'était en quelle année ? Je ne sais plus. Aux personnes qui travaillent dans les ministères de la guerre. Je m'adresse à ceux qui travaillent dans les ministères de la guerre. Messieurs, cette situation n'est plus entre vos seules mains. Votre peur d'être noyauté ou infiltré par tel ou tel groupe est déjà dépassée. Vous êtes déjà noyauté par des millions d'hommes et de femmes qui ont compris que le problème nucléaire excédait toute considération politique, militaire ou tactique. Vous êtes déjà infiltré par la bonne volonté d'un mouvement qui est aussi global que le danger lui-même. Vous pouvez tranquillement qualifier ce mouvement populaire de trahison à cause de son caractère international. Cela ne nous dérange pas. Au contraire, nous pouvons faire nôtre ce mot, car ce que nous faisons consiste exclusivement à trahir le monde tel qu'il tourne autour de vous. Puisque le danger est international, le salut doit l'être également. Puisque les performances des missiles, les poussières radioactives et l'absence d'imagination sont des phénomènes internationaux, et puisque ces phénomènes ont effacé les frontières, nous devons nous aussi effacer les frontières dans nos modes d'action et de pensée. Puisque l'horizon de nos performances techniques est global, l'horizon de notre solidarité morale doit le devenir également. Puisque par nos actes, nous pouvons frapper n'importe quel homme ou n'importe quel lieu de notre terre rétrécie, et puisque nous pouvons à notre tour être frappés par n'importe quel humain en n'importe quel lieu, l'action de n'importe quel humain concerne désormais n'importe quel autre humain. Il n'y a pas que celui qui est spatialement notre voisin qui nous concerne, parce qu'il reste à portée de jet. Et que nous pouvons le croiser, mais aussi celui qui est temporellement notre voisin. Les voisins que nous devons aimer ne vivent pas seulement dans les pays qui hier encore nous étaient lointains ou étrangers, mais aussi dans les régions de l'avenir, qui, hier encore, nous étaient encore lointaines ou auxquelles nous n'avions jamais pensé, puisque ceux-ci seront aussi frappés par ce que nous faisons aujourd'hui, par nos essais nucléaires par exemple. Ce qui peut leur arriver nous concerne tout autant que ce qui peut arriver à nos contemporains.

Le pays tout entier est baigné d'une lumière brûlant avec une intensité supérieure à celle du soleil de midi. Or, pourpre, violet, gris et bleu. Une beauté, une clarté qui ne peuvent être décrites mais seulement vues. 30 secondes après, l'onde de choc secoue tout le monde, suivie d'un énorme rugissement. Puis vient l'érection de la vénéneuse amanite phalloïde qui ira se déployant sur toute la hauteur de l'écran monde jusqu'à la stratosphère. Applaudissements et vivats de l'assistance. C'est une réussite. Vous assistez à une révolution scientifique ou à la matérialisation spectaculaire d'années de recherche scientifique, de développements industriels et militaires. La bombe atomique vient d'exploser. Pour cette deuxième partie de l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste sur Radio Audio, j'ai pris des petits bouts de l'énorme travail de Jean-Marc Royer dans son livre Le monde comme projet Manhattan. Alors, son livre est extrêmement documenté. Je ne peux pas en faire une recension de complète, faute de temps. J'ai décidé de prendre seulement quelques passages qui permettent de revenir sur l'histoire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, et plus particulièrement sur le projet Manhattan, qui a permis de concevoir les bombes atomiques. Si j'ai commencé par décrire, en vous mettant dans la peau d'un spectateur ou d'une spectatrice de l'écran monde, une explosion atomique, c'est précisément pour souligner le caractère spectaculaire de la représentation du champignon atomique qui nous éloigne de la réalité du projet Manhattan. Le projet Manhattan a compté jusqu'à 32 sites plus ou moins secrets, dont les trois les plus impressionnants sont le site de Hanford pour produire le plutonium, le site d'Oak Ridge pour produire l'uranium enrichi et celui de Los Alamos, le laboratoire de recherche sur la bombe. Et si vous vous demandez ce que sont ces petits bruits, ce sont les 2053 impacts des essais nucléaires qui ont criblé le monde et dont un artiste japonais a fait une vidéo trouvable sur YouTube. Donc c'est 2053 impacts d'essais atomiques entre 1945 et 1998. Vous pouvez voir à quel point la planète a été criblée. Si vous cherchez cette vidéo sur YouTube, l'auteur c'est Isao Hashimoto. Et la vidéo s'appelle A Time-lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 1945. Alors, on parlait des 32 sites plus ou moins secrets, dont les trois les plus impressionnants étaient le site de Hanford, d'Oak Ridge et celui de Los Alamos. Le site de Hanford, par exemple, comprenait 1200 bâtiments, plus de 1000 km de route, 250 km de voies ferrées et comptait 51 000 employés. Celui de Oak Ridge était une ville 2,5 fois plus grande que Paris, qui comptait entre 65 000 et 75 000 habitants. Donc c'est quand même impressionnant pour une ville secrète. Le chef militaire du projet était le général Leslie Groves, et on estime à 129 000 le nombre de personnes qui étaient employées en juin 1944. Alors, pour à la fois maintenir le secret et aboutir à quelque chose, il a fallu une division du travail. Tiens, on en parlait. Il a fallu une division du travail extrêmement minutieuse. Mais il a fallu aussi faire marcher les grands groupes industriels en parallèle. On ne savait pas, par exemple, s'il faudrait du plutonium ou de l'uranium. Eh bien, on a fait les deux, en parallèle. Et les industriels ne sont donc pas en reste. On peut citer les entreprises Monsanto, Bell, Union Carbide, Westinghouse, General Electric, Chrysler, Dupont de Nemours, IBM. Toutes auront leur épingle à tirer du jeu de la guerre. Et c'est la première fois, avec le projet Manhattan, que la science, l'industrie et l'armée bossent ensemble, formant un véritable complexe scientifico-militaro-industriel qui inspirera le monde entier une fois que son fonctionnement sera connu. Tout ceci pour un coût, on l'estime, bien qu'il soit secret, de plus de 2 milliards de dollars équivalent en 45, ce qui fait, je crois, une cinquantaine de milliards de dollars équivalent en 2012, d'après Jean-Marc Royer. Alors, cet immense projet, ces immenses villes construites et développées en secret, c'était pour quoi faire ? Au départ, les scientifiques qui étaient embauchés luttaient contre le nazisme. La plupart étaient d'ailleurs exilés à cause de la prise de pouvoir d'Hitler. Mais dès juin 1944, avec le débarquement états-unien en France et le front de l'Est contre Staline, le Troisième Reich était sérieusement affaibli. Et il est devenu clair pour les scientifiques qu'ils ne travaillaient plus contre les nazis. Mais alors pourquoi travaillaient-ils ? Ils travaillaient contre les soviétiques. Et surtout, pour imposer la puissance politique des États-Unis au reste du monde. Mais pourquoi continuer donc s'il n'y avait plus la menace nazie ? Royer parle d'une plongée en apnée morale des scientifiques dans un univers abstrait et artificiel en temps de guerre totale. Mais continuons cette chronologie, c'est intéressant. On a déjà dit du coup que le projet Manhattan c'était un complexe énorme mêlant les intérêts scientifiques, les intérêts militaires et les intérêts industriels. En février 1945, Roosevelt, Staline et Churchill, dans les accords de Yalta, se partagent le monde en zones d'influence, et Staline s'engage à entrer en guerre contre le Japon, au plus tard 3 mois après la victoire en Europe. Il faut savoir qu'ils avaient un pacte de non-agression avec le Japon, mais du coup ils s'engagent secrètement à leur déclarer la guerre, trois mois au plus tard après la victoire en Europe. Ça, c'est en février. Fin avril 1945, Truman, qui succède à Roosevelt, qui est mort le 12 avril, est informé du projet Manhattan. Il n'en avait rien su jusque-là. Toujours fin avril 1945, la Target Committee, la commission de la cible, est créée. Alors qu'en même temps, l'état-major est informé que nombre de Japonais éclairés réalisent déjà l'inévitabilité de la défaite. En gros, les Japonais savent déjà qu'ils ont perdu. Ils ont pris plus de 93 000 tonnes de bombes sur 69 grandes villes, rasant totalement un tiers de leur surface. C'est cuit pour les Japonais. Déjà depuis fin avril. Le 8 mai, comme on sait, c'est la victoire en Europe. Churchill et Staline cherchent à voir Truman. Mais Truman veut gagner du temps. Pourquoi veut-il gagner du temps ? Il sait que le fameux essai Trinity aura lieu mi-juillet. Cet essai Trinity, c'est le premier essai de la bombe atomique du projet Manhattan. Mais non, on n'en est pas encore là. Fin mai 1945, le Target Committee, le comité de la cible, choisit 3 villes à bombarder qui seront Kyoto, Hiroshima et Niigata. Puis, ça changera en Hiroshima, Kokura, Nagasaki ou Niigata. Pourquoi ce choix ? Vous allez voir que c'est bien cynique, mais on y reviendra. On peut déjà dire que c'est des villes qui n'ont pas été trop détruites par les bombardements précédents. Il n'y a pas forcément d'objectif militaire, à part peut-être à Hiroshima. Mais pas grave, de toute façon, on veut que les zones soient densément peuplées. Et puis de toute façon, viser un objectif militaire, c'est compliqué quand on vole à 9000 mètres d'altitude pour éviter la DCA. Donc voilà. Entre-temps, d'avril à fin juillet 1945, le Japon essayera d'enclencher des négociations par l'intermédiaire des Soviétiques. Mais l'empereur ne connaît pas l'accord secret de Yalta pris par les Soviétiques. L'accord qui, je le rappelle, était de déclarer la guerre au Japon 3 mois maximum après la victoire. Donc la victoire était le 8 mai, ce sera pour le 8 août. Et de toute façon, ça intéresse Staline d'avoir une excuse de progresser vers l'Est. Donc Staline va saboter les négociations. Le 16 juillet, ça y est, à Alamo Gordo a lieu l'essai Trinity. Et ça fonctionne. La bombe atomique explose. Mais soit dit en passant, juste avant l'essai, On informera Leslie Groves qu'il y a un risque, qui est tout à fait proche de zéro, que la réaction en chaîne nucléaire ne s'arrête pas et embrase ainsi l'atmosphère entière. Bon, c'était un risque proche de zéro, donc ça va. Donc on peut faire l'essai Trinity, et ça fonctionne. Le 18 juillet, Truman écrira dans son journal, page 77, il faut que je trouve la page, voilà. J'ai mangé avec le Premier ministre Churchill, j'ai discuté de Manhattan, c'est un succès. J'ai décidé de le dire à Staline. Staline a prévenu Churchill de l'arrivée d'un télégramme de l'empereur japonais demandant la paix. Staline m'a lu sa réponse, qui consistait à endormir les Japonais, comme il l'avait proposé. C'était satisfaisant. Je crois que les Japonais vont se rendre avant que la Russie n'entre en jeu. Je suis sûr qu'ils le feront, quand Manhattan apparaîtra au-dessus de leur patrie. Je dois informer à ce sujet au moment opportun. Pardon. Donc ça, c'est le 18 juillet. Et le 6 août, Enola Gay part pour larguer une bombe sur Hiroshima. Le 8 août, exactement 3 mois après la capitulation du Troisième Reich, l'URSS déclare la guerre au Japon et avance vers l'Est. Le 9 août, c'est Nagasaki qui est bombardé avec une bombe atomique. Le 15, le Japon capitule. L'empereur est maintenu à son poste, ce que demandaient les Japonais depuis des mois. Et à ce propos, je peux vous lire cette page-là. À considérer les choses d'un point de vue strictement technocratique, il est clair que depuis l'arrivée de Truman à la présidence, la succession des décisions prises a eu pour conséquence de verrouiller la question des conditions de reddition du Japon, et donc celle du bombardement atomique. Examinons cette question sous un autre angle. Éviter de bombarder Hiroshima et Nagasaki aurait exigé du président qu'il s'opposât aux responsables militaires, civils et scientifiques du projet Manhattan, qui désiraient absolument éprouver la solution finale, c'est-à-dire expérimenter la bombe atomique in vivo. Cela aurait exigé de décevoir tous les grands groupes industriels investis dans le projet Manhattan, dont les intérêts étaient bien représentés dans son entourage immédiat. Cela aurait exigé aussi de justifier, devant le Congrès, l'abandon du projet après les énormes dépenses du programme. Or, Truman, on l'a dit, était à l'initiative du World War II Senate Special Committee, destiné à enquêter sur la légitimité des dépenses de guerre. Il savait donc pertinemment à quels énormes désagréments politiques cela aurait pu conduire. Pour toutes ces raisons, aucun contact diplomatique avec les Japonais ne fut donc entrepris pour parvenir à un accord acceptable pour eux. En fait, si les États-Unis avaient bien eu la volonté de terminer rapidement la guerre du Pacifique, les occasions n'auraient pas manqué. Entre le 2 avril et le 18 juillet, nous avons recensé au moins 8 tentatives japonaises d'entamer des pourparlers par divers moyens. Les Soviétiques avaient eux aussi intérêt à prolonger les hostilités. Si elles avaient duré quelques semaines de plus, ils se seraient invités à la table des négociations avec leurs revendications territoriales et la volonté d'étendre leurs zones d'influence dans le Pacifique, ce que les États-Unis, la Chine et le Japon redoutaient par-dessus tout. Les bombardements atomiques furent ainsi un signal d'arrêt impératif envoyé aux troupes de Staline en progression rapide. Derrière cet enjeu géostratégique pointait également une lutte pour la redistribution des influences coloniales passées qui a contaminé les relations entre alliés durant les années de guerre. Alors, on a évoqué aussi le mot de guerre totale. Alors, il en parle un peu plus loin, Jean-Marc Royer. La notion de guerre totale, il ne doit plus exister un seul espace sûr pour l'ensemble des civils du pays ennemi, est peu à peu légitimé pour soi-disant sauvegarder la paix. Ce fut l'un des arguments employés durant la guerre froide par les deux camps. Ce que l'on peut déduire de la lecture de Sven Lindqvist, alors qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Exterminer toutes ces brutes », qui parle de la théorisation des bombardements aériens déjà depuis 1912. Alors, ce que l'on peut déduire de la lecture de Sven Lindqvist, c'est que dès le champ de bataille de 1918, la notion de guerre thermo-industrielle totale a été appliquée à l'ensemble du territoire ennemi, mais qu'avec les bombes atomiques, les fusées intercontinentales et les satellites, elle envahira la planète tout entière, atmosphère, océan, et pôle compris. Voilà pour l'espace, et voilà pour le temps, comme pourrait dire Gunther Anders. Alors d'ailleurs, en parlant de Gunther Anders, à la fois Gunther Anders et Jean-Marc Royer parlent de ce retournement de la phrase de Clausewitz. Clausewitz qui disait que la guerre était la poursuite de la politique par d'autres moyens. Eh bien, Jean-Marc Royer va dire que cet aphorisme s'est retourné, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la politique et l'économie sont devenues la poursuite de la guerre aux vivants par d'autres moyens, grâce au complexe scientifico-militaro-industriel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après les bombardements ? Tout de suite après les bombardements, du coup, le 15 août, les Japonais capitulent. Et il a fallu verrouiller l'horreur de ces bombardements. De toute façon, la rationalité calculatrice et le complexe scientifico-militaro-industriel avaient déjà fait une grande part du boulot. Les journaux titraient « Révolution scientifique ». La guerre a été, selon Truman, écourtée. Les soldats états-uniens ont été épargnés. Alors il dira jusqu'à 500 000 de soldats ou même 1 million de soldats ont été épargnés parce qu'on a écourté la guerre grâce à la bombe atomique. Alors si je fais ce retour historique sur Hiroshima et Nagasaki, mais déjà c'est parce que c'est l'anniversaire du bombardement de Nagasaki le 9 août 1945, c'est pour montrer l'implacable et cynique déroulement des opérations qui a mené à la mort immédiate de 200 000 personnes et à l'entrée dans l'âge atomique dont on parlait avec Anders. Implacable parce que l'énormité du projet Manhattan a inévitablement induit l'utilisation de la bombe malgré tout ce qui aurait pu l'empêcher. Certains scientifiques ont même joué le jeu en proposant par exemple de faire exploser la bombe dans le désert en présence des Japonais pour leur montrer ce qu'ils risquaient. Ce n'était pas suffisant. Pour Groves, il fallait les faire exploser sur le Japon. C'est cynique parce que le comité de la cible, le Target Committee, dont je vous ai parlé, a choisi froidement des cibles pas trop détruites par les bombardements précédents, des cibles densément peuplées. Le comité a choisi aussi la hauteur du déclenchement de la bombe pour maximiser les dégâts et pouvoir les étudier par la suite, ce qui a été appelé un retour d'expérience. Ils avaient même initialement choisi Kyoto pour le haut niveau culturel de ses habitants. Un haut niveau culturel qui permettrait, selon le comité de la cible, d'être mieux à même d'apprécier l'importance d'une telle arme et d'une telle dévastation. C'est pour vous dire si c'était pas cynique. Mais pourtant, dans les ouvrages de science-fiction, les gens qui élaborent aussi froidement la destruction sont des monstres, des jokers aux traits maléfiques. Ici, ce sont des scientifiques, des militaires, des industriels, des êtres humains, quoi. Je vous invite à lire Jean-Marc Royer pour découvrir les pistes qu'il donne pour expliquer l'horreur des bombardements, l'horreur de la fabrication de la bombe atomique. J'ai voulu juste prendre quelques petits bouts historiques de son bouquin. Il est extrêmement dense, il est extrêmement documenté. Et du coup, et puis après, il y a toute une partie philo. Il va parler aussi de Fukushima. Et il y a toute une partie philo qui essaye de montrer l'érotisation de la mort et qui fait le lien avec Auschwitz aussi et la guerre généralisée aux vivants. Vous pourrez en savoir plus en lisant tout ce bouquin qui s'appelle Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants. Et pour finir cette deuxième partie et pour faire une transition vers la troisième qui parle des actualités en France, eh ben on va revenir avec Jean-Marc Royer, on va revenir en France. Pourquoi ? Parce que quand il parle du projet Manhattan, quand il parle de la complexité et de l'intrication du milieu à la fois industriel, militaire et scientifique, de ces dizaines de milliers de personnes qui ont bossé à l'élaboration de la bombe atomique, quand il parle de la division du travail, des projets en parallèle et tout ça qui a amené à la destruction, eh ben en fait, ça a inspiré du monde. Parce que si on oublie juste la dernière phase, c'était une révolution scientifique, c'était une coopération industrielle, militaire et scientifique de plus haut rang, et ça a inspiré, ça a inspiré De Gaulle. Et ouais, citation. Et précisément, en ce qui concerne le rôle des complexes scientifico-militaro-industriels dans l'histoire d'après-guerre, la France tient une place particulière qu'il est intéressant de considérer. Comme on l'a dit, le CEA fut créé par De Gaulle 2 mois après Hiroshima, dans le but de fabriquer l'arme atomique. Le plan quinquennal de 1952 prévoyait à cet effet la production d'une quantité importante de plutonium, tout en affichant des ambitions exclusivement civiles. Avant le terme de ce plan, un protocole secret du 20 mai 1955 double ses crédits, ce qui permet de lancer les programmes d'armes nucléaires. Pierre Guillaumat crée alors le Bureau d'études générales, une préfiguration de la division des applications militaires du CEA, à la tête duquel il installe Yves Rocard, l'alter ego d'Oppenheimer, et le général Albert Buchalet, afin de contrôler les scientifiques remuants. Ça, c'est l'alter ego de Leslie Groves, probablement. Cette même année est créée auprès du Premier ministre la commission production d'électricité d'origine nucléaire qui aura la haute main sur le devenir du nucléaire. Elle est composée, entre autres, de directeurs de l'administration centrale, de responsables des grands ministères et des représentants des grandes entreprises. Alors là, c'est pas Westinghouse, IBM, Bell, Union Carbide, etc. C'est Creuse-Loire, Schneider, Framatome, Saint-Gobain, Pechiney, Ugine, Kuhlmann, Babcock Wilcox, Alstom, Thomson, CGE, Compagnie électromécanique, Compagnie française de raffinage et le CNPF. Le CNPF, c'est l'ancêtre du MEDEF. Voilà, cette énumération qui rappelle évidemment l'ossature industrielle du projet Manhattan. Alors, juste avant les actualités, on va se passer une chanson bien vénère, qui s'appelle Enola Gay, bien vénère contre l'arme atomique, puisqu'elle parle de cet avion qui a largué la bombe sur Hiroshima à 8h15 et qui n'aurait jamais dû partir. Little Boy n'aurait jamais dû partir. Estasia, nous avons toujours été en guerre contre Estasia. guerre contre Estasia. Nous avons toujours été en guerre contre Estasia. Nous sommes en guerre, contre Estasia. Et nous avons toujours été en guerre contre Eurasia. Nous sommes en guerre, contre Eurasia. Et nous avons toujours été en guerre contre Eurasia. Estasia sont nos alliés, nous sommes en guerre contre Eurasia. Jamais on n'avait vu ça. Jamais le pays des droits de l'homme n'avait aussi bien vendu au monde entier le droit de l'homme à faire la guerre. 27 milliards d'euros d'armement exportés l'an dernier, contre 11,7 l'année précédente. Et 2023 s'annonce déjà très bien. Cocorico et vive la paix dans le monde, assurée grâce à ceux qui préparent la guerre, vu que si tu veux la paix, etc., etc. On s'est beaucoup moqué du Rafale de Dassault. Cet avion de combat mis en service chez nous en 2002 fut longtemps invendable. Il faut dire qu'il coûte entre 100 et 120 millions d'euros. Eh bien, voilà que nos amis démocrates des Émirats Arabes Unis en ont commandé pas moins de 80. Et nos amis démocrates indonésiens en ont commandé 6. Et nos amis démocrates grecs en ont commandé 6. Nos amis démocrates indiens en avaient déjà 36 et viennent pour leur marine d'en commander 26 de plus, ainsi que 3 sous-marins. Mais il n'y a pas que les rafales, se rengorge le ministère des armées. Nous sommes en guerre, contre Eurasia. Il faut y ajouter un large spectre capacitaire, missiles, frégates, sous-marins, artillerie, hélicoptères, radars, satellites d'observation. Tout cela vendu à hauteur de 64% au Proche et au Moyen-Orient. Et devinez quoi ? Nous sommes en guerre contre Eurasia, Estasia est notre allié. Nous avons toujours été en guerre contre Eurasia. Il s'agit avant tout, précise le ministère, de contribuer à la paix internationale. Et ouais, nous sommes en guerre contre Estasia. Nous avons toujours été en guerre contre Estasia. Eurasia est notre allié. Donc le ministère veut contribuer à la paix internationale, mais aussi constituer dans la durée une industrie française et européenne. Et c'est ainsi que la paix internationale durable et rentable poursuit sa marche triomphale. Merci la France. C'était un article du Canard enchaîné du 2 août, signé JLP, et qui s'appelle « Exporter armes », voilà, qui nous indique que jamais l'industrie des droits de l'homme à faire la guerre ne s'était aussi bien portée en France. 27 milliards d'euros d'armement pour 2022 et 2023 s'annonce déjà très bien. Voici pour les actualités nationales. On peut en rajouter une puisqu'on parlait du nucléaire, qu'on a vite fait survolé. On n'a peut-être pas assez parlé du nucléaire civil. Et ben dans le même, sur la même page du Canard enchaîné du 2 août, c'était le premier mercredi du mois, guerre atomique avec la Suisse. Pauvre Suisse, c'était bien la peine qu'ils programment l'arrêt définitif du nucléaire chez eux d'ici à 2034. Bien la peine qu'ils attendent que leurs 4 réacteurs aient atteint les 50 ans fatidiques pour se débarrasser enfin de l'atome. Et ouais, ils vont avoir, 2 EPR2 à 70 km de Genève. Et c'est la récente annonce par Macron le 19 juillet qu'il y aurait 2 nouveaux réacteurs EPR2 qui seraient produits sur le site du Bugey à 70 km de Genève. Et bah en fait, ça les a pas fait sauter de joie, nous dira le Canard. 70 km de Genève, bah, la centrale du Bugey, elle a 100 km de Saint-Étienne. Donc nous non plus, peut-être qu'on n'est pas trop ravis d'avoir cette prévision de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc un peu comme des centrales Lénine. Vous voyez de quoi je parle, la centrale Lénine. C'est celle qui est située à Tchernobyl. Et ouais, c'est pas des lol. Dernière info nationale. Le 23 septembre, j'en parlais le mois dernier, le 23 septembre, il y aura une marche contre l'armement atomique. Alors, il y en a une à Lyon, mais il y en aura aussi ailleurs. Marchons pour un monde sans armes nucléaires. Le 23 septembre, le rendez-vous est donné. Il y en a deux qui sont donnés. Il y en a un qui est donné à 9h, place des Terreaux à Lyon, pour aller jusqu'à Limonest, tiens. Enfin, jusqu'à Limonest, où il y a un autre rendez-vous, un pique-nique, un repas partagé, musique et prise de parole, le 23 septembre à 13h. Donc on peut marcher jusqu'à Limonest à 13h. Limonest, c'est cet endroit où il y a Metravib, par exemple. Et la dernière étape de ce rendez-vous, une fois qu'on est à 13h à Limonest, Eh bien, on va marcher jusqu'au Mont Verdun. Le Mont Verdun, j'en parlais le mois dernier aussi, c'est là où il y a le poste de commandement de l'arme atomique française, donc juste au-dessus de Lyon. Voilà. Le départ de la marche sera à 14h30 à partir de Limonest. Et une fois arrivé au Mont Verdun, il y aura des prises de parole et des chansons. Une marche joyeuse contre l'arme atomique. On va se retrouver, c'est la fin de notre émission. On est toujours sur Radio Dio 89.5 FM. On se retrouvera le mois prochain, probablement le deuxième mercredi de septembre, parce que le premier, je ne serai pas là. En attendant, bas les armes, à bas la guerre et vive la lutte.